16-12, observation, le temps qui passe. Après-demain, avant-hier. Présent. Jeudi, aujourd'hui. Passé. Mercredi, hier. Mardi, avant-hier. Futur. Vendredi, demain. Samedi, après-demain.